sur le bord d'un chemin, dans une zone pavillonnaire qui vient d'être construite, un talus de déblais, de la terre excavée pour construire les maisons. Dans ce talus, il y a un trou. Un trou de 30 cm de diamètre et de 30 cm de profondeur. À côté de ce trou, il y a le tas de la matière excavée du trou. Toute la journée, le trou est balayé par la lumière du soleil. Et dedans, il y a les pépites qui brillent. Si on prend une des pépites, on se rend vite compte que c'est juste un caillou enveloppé d'aluminium. Mais moi, ça m'a fait penser à mes rêves d'enfant de trésors trouvés et de filons dans lesquels sont incrustés des diamants et des pépites d'or. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Je le sais maintenant. Je sais que exploiter des mines, c'est d'abord créer du déchet, libérer des métaux lourds, polluer des rivières. Et ce gros tas de terre, ce talus de déblais dans lequel est creusé le trou, on peut y voir des bouts de plastique, des bouts de tissu. C'est une terre sans vie, sans fourmis, sans colamboles, sans vers de terre. C'est la terre excavée qui a permis de construire les fondations des maisons sur une terre arable.